voudrais juste évoquer quelques instruments de musique qui ont leur importance justement dans ce mouvement de modernisation qu'a voulu avoir la musique bretonne. Je voulais vous parler de la clarinette. La clarinette, on en joue en Bretagne traditionnellement, dit-on, et avec raison, en haute Cornouaille, quoi, en particulier dans les pays, ce qu'on appelle les pays fanches, ficelles et montagnes. Alors pourquoi est-ce qu'on en joue en haute Cornouaille et depuis quand? Eh bien, pourquoi? C'est grâce à Napoléon. Ça, les gens ne le savent pas, mais c'est grâce à Napoléon. Pourquoi? C'est parce que la clarinette, c'est un instrument récent. Quand je dis récent, c'est un instrument qui a été inventé par des luthiers autrichiens aux alentours de 1715. Les premières clarinettes que l'on connaît sont des clarinettes très simples, avec quelques clés, deux ou trois clés, qui sont généralement en tonalité de do, en ut, on dit, quoi. Donc les plus vieilles clarinettes sont des clarinettes en ut. Donc création en 1715. En 1814, Napoléon décide d'uniformiser les hauteurs d'instruments, les tonalités d'instruments dans les orchestres militaires français. Il décide, en 1814, il y a un décret qui est publié, un décret disant qu'à partir d'aujourd'hui, les instruments de musique seront en si bémol. Point. Ce qui fait que les vieilles clarinettes qui étaient en ut deviennent injouables. Ça devient donc des instruments de brocante, des instruments de poubelle. Qui est-ce qui va s'offrir ces clarinettes qui sont injouables dans les vrais orchestres? Eh bien, c'est les paysans. Donc, en Basse-Bretagne, ça va être les gens de la région de Guingamp, grossièrement. Dans le sud de la France, ça va être les Basques, les paysans basques. Dans le sud-est de la France, ça va être les paysans de Bresse. Donc toutes ces régions-là, puisqu'on voit arriver les instruments démodés, on va s'y approprier. Même si on n'a pas le son de l'élite, disons, on aura quand même la forme, on aura un instrument de musique, on ne sera plus de simples chanteurs. On pourra aussi produire notre musique. Donc, ces clarinettes en ut arrivent en Bretagne, et les plus vieilles qu'on retrouve actuellement dans la région de Saint-Nicolas-du-Pelem ou dans la région de Guingamp, c'est celle-là, c'est des clarinettes en ut avec juste quelques clés. Alors, les gens vont s'en servir d'une manière tout à fait nouvelle, tout à fait originale. En voici un exemple. En fait, on copie les chanteurs de Kanadiscan avec les mêmes techniques de tuilage, quoi. Et le même répertoire au départ. Hein. Avec les mêmes répertoires, mais quand même, on va regarder aussi vers Paris pour avoir de nouveaux répertoires. Je vais arrêter là. J'avais prévu de vous parler de violon, de vielle, d'accordéon, mais ça va faire trop. Simplement, la seule chose que je voulais dire, c'est que tous ces instruments de musique, voilà, tous ces instruments de musique sont adoptés par les paysans de Bretagne dans ce but de s'émanciper des pratiques anciennes et d'aller vers une certaine modernité. Et mon rapport avec le revival, il est là, quoi. Le revivalisme actuel, on est parti du folklore, disons, de ce mouvement folklorique dont on a évoqué la création tout à l'heure. Pour mémoire, ça je ne l'ai pas dit, le premier cirque celtique de l'histoire, c'est à Paris. C'est les Corrélériennes Brésisel, qui existe toujours encore. Non, c'est pas à Paris. Avant, c'est à Pont-Aven, puis Banalec, puis Paris. Voilà les trois premiers cercles celtiques de l'histoire. Les premiers bagadous, c'est l'après-guerre. Bon, dans les années 70, après mai 68, on va dire, les jeunes dont nous étions, j'en connais d'autres d'ailleurs, s'intéressent à cette musique ancienne, on va dire, cette musique chantée qui a précédé la musique du mouvement folklorique. Et se crée un revival. Alors, moi, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce revival, j'en suis pas forcément un acteur maintenant, parce que je m'intéresse plus à ces vieilles choses qu'en entendu. Mais moi, je l'analyse un petit peu comme ça, comme étant une envie de faire se marier je pense à ma fille pour ça, les anciennes pratiques conviviales, de les faire se marier avec des mondes qu'on envie, quoi, des mondes, le monde américain en particulier, quoi, qu'on envie particulièrement. J'ai peut-être tort, hein, mais on est là pour discuter. Donc. La parole est à vous, si vous le voulez bien. Bon, je vous remercie, mais.